Chapitre 12. Le magnétiseur n'agit pas toujours directement sur son sujet. Il se sert souvent d'intermédiaires auxquels il confie sa puissance. Les objets insensibles qu'il sait s'assujettir gardent et transmettent alors sa volonté comme des serviteurs fidèles. Un soir, on vit Georges Fritz essayer au château, sur l'un des arbres du parc, des signes extravagants. Les serviteurs de la maison en riaient, ne sachant trop pourquoi cet homme avait affaire à cet arbre. Le lendemain, Pulchéri, en s'éveillant au matin, témoigna par geste l'intention de sortir. Ses femmes n'en pouvaient revenir. Mademoiselle de B ne voulait d'habitude jamais quitter sa chambre, retenue qu'elle était par une molle paresse. On lui donna le bras pour descendre les marches du perron qui donnait dans le jardin. Le parc détachait au fond du jardin ses rideaux de feuillage, où des coups de vent impétueux faisaient ça et là de larges déchirures. Dès qu'elle eut le pied dans l'avenue du parc, Pulchéri quitta le bras de ses femmes et marcha d'elle-même, comme attirée par une force inévitable, vers l'arbre que Fritz avait magnétisé la veille. C'était un houx hérissé de feuilles. Elle se coucha à l'ombre de l'arbre et s'y endormit. Les feuilles, humides de rosée et inquiétées par le vent, semblaient secouer une à une sur le front de la belle sommeilleuse toutes les pensées de Fritz. Alors, quelques mots inintelligibles, comme ceux qu'on essaye dans un songe, se formèrent à demi et moururent sur ses lèvres entr'ouvertes. Elle dormit au bois jusqu'au soir. Son père, effrayé, essaya de la tirer de ce sommeil, mais il n'y put réussir. On eut beau lui remuer le bras violemment, et lui enfoncer même une épingle d'or dans son épaule nue, elle ne donna aucun signe de vie. Enfin, M. Georges Fritz étant venu, il lui tendit la main et lui dit « Pulchéri, c'est moi, levez-vous » et elle s'éveilla. Depuis ce temps-là, Mademoiselle de B venait chaque jour dormir en cet endroit pendant quelques heures. Elle ne se trompait jamais d'arbre. Le houx magnétisé, quoiqu'au plus profond du bois, était reconnaissable pour elle entre tous les autres houx et l'attirait forcément à son ombrage. Un lourd bandeau, mouillé d'oubli et de sommeil, lui tombait aussitôt sur les yeux. Elle s'endormait. Cet arbre avait pour elle des repos bienfaisants, mêlés de songes et de visions, qui faisaient espérer en cette parole de Fritz. L'âme de Pulchéri ne peut s'éveiller que dans le sommeil. Il y avait dans le parc un autre arbre enchanté. C'était un noyer très en feuillage que Georges Fritz magnétisait souvent. Celle-ci avait pour effet de repousser Pulchéri en lui jetant à la tête un fluide contraire et malfaisant. Elle essayait souvent de s'en approcher malgré tout. Mais alors, la résistance croissait dans une proportion foudroyante de la part de l'arbre. Pulchéri se sentait violemment rejetée en arrière, à grande distance. En vain cherchait-elle quelquefois à lutter contre ce courant répulsif et renversant. Il fallait toujours céder. Cet arbre, qui se défendait lui-même, et victorieusement contre toute approche, aurait éveillé dans tout autre que Pulchéri une surprise mêlée de terreur. Il n'y avait encore rien dans tout ceci qui s'éleva chez elle au-dessus des lois de la matière. De semblables rapports existent entre les corps bruts, lesquels s'attirent ou se repoussent les uns les autres. Presque tous les phénomènes observés jusqu'ici sur Pulchéri rentraient donc plus ou moins dans les effets de l'électricité positive et de l'électricité négative.